viens m'embrasser. Tu seras prié de rester, s'il te plaît. Sinon, tu vas me manquer. Si tu veux un baiser, viens me le demander. Mais reste à mes côtés pour bercer ma journée. Et si tu ne reviens pas, tu vas brûler mon petit cœur. Et je viendrai pleurer chaque heure juste devant chez toi. Si tu veux un baiser, ne frappe pas à ma porte, car tu dois te rappeler que c'est mon cœur que tu portes et que tu ne dois pas le lâcher. Manquer, viens vite m'embrasser. Va-t'en tout de suite après et regarde-moi pleurer. Moi, je t'aime comme un bébé aime le chocolat. Oh, les petits plaisirs de la vie, te reviens ici. Tu es mon amour et tu le sais, mon soleil les jours de pluie. Tu es celle que j'aime comme un bébé et sans qui je n'aime pas la vie. Un baiser, ne frappe pas à ma porte, car tu dois te rappeler que c'est mon cœur que tu portes et que tu ne dois pas le lâcher.